Et pour l'heure, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez une très belle après-midi. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Fille de vie, fille de joie, ribaude commune. Cette semaine, la prostitution. Si on veut comprendre l'histoire de la prostitution, il est évident qu'il faut partir de la demande. De l'Antiquité à l'aube du XXe siècle. Aux origines de Rome, c'est violence, c'est sexe, et c'est cette image de prostitution avec la louve et la lupa qui sont présentes. Le bordel devient, dans l'esprit des magistrats du 1er et 15e siècle, un atelier de conjugalité, parce qu'on peut y apprendre à chevaucher normalement une femme. Dans la première moitié du 19e siècle, les femmes étaient recluses dans les maisons closes. Alors les courtisanes, il y en avait à tous les étages, si je puis dire, de la société. Et dans certains cas, ces femmes avaient une intelligence et une influence, il faut bien le dire, très forte sur les décisions politiques prises par leur amant. Troisième épisode, le prostibulum publicum. La prostitution, bien que considérée comme une dépravation, est légale et institutionnalisée au XVe siècle. Elle est jugée par les laïcs et les religieux comme un mal nécessaire permettant de réguler les excès de la société. Pour saint Augustin, la femme publique est dans la société ce que la sentine est à la barque et le cloaque au palais. Retranche le cloaque et tout le palais sera infecté, écrit saint Augustin au 5e siècle dans la Cité de Dieu. De la fin du 13e au 15e siècle, les autorités admettent que cette pratique, profondément ancrée dans la société, est impossible à éradiquer. Effectivement, bien que la prostitution fasse l'objet d'une réprobation générale, les fillettes trouvent leur place dans la communauté. Jusqu'au 12e siècle, l'Église condamne strictement la fornication, c'est-à-dire toute forme de sexualité hors du mariage. Dès la fin du XIIIe siècle, la morale s'accorde davantage à la réalité et reconnaît les besoins sexuels des jeunes hommes. L'affirmation de la virilité entraîne fréquemment un déchaînement de violence et se traduit par des viols collectifs commis sur des femmes isolées et faibles, réputées communes. Soucieuses d'éviter ces dérapages, les autorités encouragent l'essor d'une prostitution officielle. Ainsi, à la fin du Moyen-Âge, la prostitution apparaît déjà aux yeux de certains notables comme une thérapie sociale, voire une pédagogie de la bonne conjugalité. La prostitution institutionnalisée se matérialise par le prostibulum publicum. Il s'agit ni plus ni moins de bordels ayant pignon sur rue. Jacques Rossiot, historien. Il y a des cercles prostitutionnels dans la ville médiévale. Et la situation est assez différente de celle que connaîtra la civilisation classique, la société du XVIIe ou du XVIIIe siècle, ou même le XIXe et le premier XXe siècle. Car si l'on pénètre dans une ville de la fin du XIVe siècle ou du XVe siècle, que l'on soit en Allemagne du Sud, en Italie ou en France, on a d'abord un premier cercle, qui est celui de la prostitution publique. D'une prostitution publique qui est protégée, qui est institutionnalisée et qui est protégée par le magistrat, la municipalité urbaine, la maison close, le prostibulum publicum, ce que l'on appelle la grande maison, la maison commune et parfois même la maison de la ville est édifiée, disent les magistrats, au service commun, pour le bien commun, ou au service de la res publica, de la République. Cette maison commune, elle est administrée par les consulats ou par les sedgevinages, qui la baillent à ferme, soit à un tenancier, soit à une femme que l'on appelle une abbesse, et qui en tire profit. Cette maison, elle a théoriquement le monopole de la prostitution dans la ville. Bon. Si bien que si l'on a une prostitution publique, une maison publique, et si ce monopole est respecté, alors on peut dire que le premier souci du magistrat a été de concentrer le vice, entre parenthèses, de concentrer l'impureté, le péché sexuel, pour protéger la pureté de la ville. Mais ce que l'on constate, à peu près partout. C'est que, autour de ce prostibulum publicum, il y a des étuves, des maisons de bain, qui sont l'équivalent des maisons de tolérance du 19e siècle ou du 20e siècle. Des maisons où la prostitution est notoire, hein, et qui sont à double fin. Ce sont des établissements hygiéniques, on peut y aller pour se baigner, par hygiène du corps, mais on y va aussi pour s'amuser et pour satisfaire à nature. Il y a un troisième cercle qui est celui des bordelages privés, c'est la prostitution artisanale, organisée par la mère de famille, j'allais dire, au su parfois de son mari. Elle dispose de quelques chambres, de quelques filles, elle organise les rendez-vous, elle accueille les couples et elle en tire profit. Et puis, il y a un quatrième cercle qui est celui de la prostitution secrète et de la prostitution occasionnelle, qui est encore beaucoup plus difficile à saisir. Et c'est cette juxtaposition d'une prostitution publique, en quelque sorte semi-fonctionnarisée, enfin j'hésite à employer le terme, et puis ces maisons de tolérance, et puis ces bordelages artisanaux, et puis le reste, qui fait l'originalité de la période médiévale, entre les années 1200 et le milieu du 16e siècle. Le bordel public est équidistant de la cathédrale et de l'hôtel de ville, hein, dans la représentation symbolique de la ville. Bon. Et le bordel public est édifié à le service commun. Bon, pour le service commun et pour la République. Et il y a des villes qui dépensent de l'argent pour le bordel public alors qu'elles n'en dépensent pas pour l'école, par exemple. Ce qui est quand même surprenant. Pourquoi ? La municipalisation, c'est un fait qui est historiquement daté. C'est-à-dire qu'on trouve des traces, mais ponctuelles, de municipalisation au début du XIVe siècle, fin XIIIe, début XIVe. Mais elles sont beaucoup plus nombreuses dans la deuxième moitié du XIVe siècle, et cette municipalisation devient à peu près la règle au début du XVe siècle. Et ça, je crois qu'il faut le mettre en relation avec la crise démographique, avec la décroissance démographique, avec la peur des mortalités, de l'indétérentissement de la communauté urbaine, et le souci de lutter contre toutes les déviances sexuelles qui pourraient concourir à cette mortalité. Il faut à tout prix protéger les forces de la vie. Donc, il faut lutter contre la virginité, hein, contre l'abstinence des clercs en particulier, dénoncée avec virulence. Il faut lutter contre la masturbation, parce que la masturbation épuise l'individu, elle devient une habitude, elle devient une délectation, disent les théologiens, et donc elle détourne du mariage. Pis encore, la masturbation ou l'auto-érotisme est le préambule à l'homosexualité. Et le souci de lutter contre la contre-nature, contre l'homosexualité, contre la masturbation, là, c'est l'obsession française, alors qu'en Italie, c'est plutôt l'homosexualité, engage les municipalités, quand elles ne l'avaient pas fait, à construire et à entretenir un bordel public pour avoir de belles et agoutantes filles putains qui travailleront en quelque sorte dans un atelier de nature. Et le bordel devient, dans l'esprit des pères de la République, des magistrats du 1er et 15e siècle, un atelier de conjugalité, parce qu'on peut y apprendre à chevaucher normalement une femme et à maîtriser une femme. C'est-à-dire que le bordel, dans leur esprit, prépare les jeunes, en même temps il les détourne des passions amoureuses, ils peuvent satisfaire leurs désirs, et il les prépare à leur tâche de chef de feu, de chef de famille. Le prostibulum publicum est ouvert la journée et en dehors des temps religieux. Ces règles d'ouverture sont généralement respectées, bien qu'une fréquentation du prostibulum les jours de fête et le dimanche existe parfois. La durée quotidienne de travail est comprise entre 7 et 10 heures, avec un temps de pause d'environ 2 heures consacré au repas. En dehors des passes, les méretrices bavardent, jouent de la musique, filent le lin ou la laine. Si les tenanciers ont un droit de correction sur les filles, celui-ci semble toutefois limité, selon les critères de l'époque. L'aspect physique et la tenue influençant le prix demandé, il convient de ne pas abîmer la marchandise. Un tarif minimum de la passe est fixé par la municipalité. Il est peu élevé afin d'être accessible au plus grand nombre. Il correspond à plus ou moins le quart d'une journée de travail d'un compagnon artisan, soit environ le prix d'une livre de viande ou de fromage, ou celui d'un repas avec vin. Le prix peut cependant varier. Des dispositions sanitaires existent au sein des prostibulums. Le bain hebdomadaire est préconisé, et le passage régulier du barbier ou d'une sage-femme s'assurant de leur bonne santé est facilité. Les méretrices ne peuvent en principe pas travailler durant la période de menstruation, car cela est considéré comme un péché et un risque de souillure. Cependant, l'interdit n'est pas toujours respecté. Les prostituées de Nördlingen le dénonceront en 1471. La question de la contraception et de la procréation est peu développée officiellement au sein du prostibulum publicum. En effet, les prostituées sont perçues comme stériles car trop chaudes, selon la théorie des humeurs, et au vagin trop lisse et encrassé. Au XVIe siècle, selon le médecin Giovanni Marinello, un homme dont la semence tombe dans un utérus trop chaud n'a pas plus de chances de succès qu'un fermier semant dans le désert éthiopien. Par ailleurs, suivant la doctrine de Galien, largement répandue, la grossesse ne peut être due qu'à la présence de plaisir. La prostituée œuvrant par nécessité, elle ne peut pas tomber enceinte. Des précautions contraceptives et des actions abortives ont sans doute pu être utilisées. Positions, gestes, pessaires, potions. Si toutefois une grossesse se produit, la prostituée devra généralement quitter le prostibulum ou confier son enfant. Le coït se fait généralement nu. Celui qui veut manger la volaille doit d'abord la plumer, peut-on lire dans la Célestine en 1499. Ne risquant pas la conception de bâtard, l'acte sexuel vénal se doit d'être selon la nature. Mais, contrairement aux recommandations de l'Église, des actes sexuels sodomites, à vocation non reproductrice, ont pu sans doute être réalisés. Ici, tu peux tout dire, tu peux faire tout ce qui est obscène, jamais tu n'essuieras un refus qui rougirait ton front. Lit-on dans l'Hermaphrodite de Parmenita, dédié à Cosme de Médicis. Comment la situation évolue-t-elle au XVIe siècle dans cet âge appelé Renaissance ? Jacques Rossiot. Alors tout change parce que le beau temps des bordels municipaux et des étuves notoirement tolérées mais prostibulaires coïncide avec un âge d'or en quelque sorte des salaires et une période bénie pour les compagnons, pour le petit peuple, pour les artisans. Si bien que cette prostitution au XVe siècle, à plusieurs cercles, elle touche essentiellement des filles qui sont étrangères à la ville. Pas forcément étrangères au pays, il y en a dans la prostitution publique. Et on recherche même des étrangères au pays dans la prostitution publique. Parce que c'est une assurance spirituelle, c'est l'assurance que un consommateur ne commettra pas un crime ou un péché d'inceste, si vous voulez, lorsqu'il ira forniquer au bordel, puisqu'il s'agit d'étrangères. Or, à la fin du XVe siècle, les conditions économiques, les conditions sociales se détériorent, la paupérisation gagne, et les enfants des artisans gagnent leur vie en mendiant, et puis les filles mendient et vont au bordel ou vont chercher à se faire engager dans un établissement de bain. Et à ce moment-là, évidemment, les attitudes vis-à-vis de la prostitution se transforment. alors qu'on allait ouvertement au prostibulum publicum dans la ville de 1460 ou encore 1480, en 1510 ou 1520, on n'y va pas sans honte, dit l'un des témoins interrogés dans une enquête. Et la prostitution se criminalise. Io vissi Pergoletta in festa in gioco, dei miei pensieri di mia sorte contenta. Or sì, m'affligge amore e mi tormenta, com'hai da tormentarli avanza poco. Credetti lassa aver gioiosa vita, da prima entrando amore alla tua corte, e già n'aspetto dolorosa morte, o mia credenza, come mi hai fallita. Mentre ad amor non si comise ancora, vidi col com'idea lieta e sicura, poi carse per Iason, acerba e dura, fu sua vita infin all'ultima ora. Pietro Bembo, Les Azzolani, ou Dialogue sur l'amour, publié à Venise en 1505. Qu'est-ce que c'est que les Azzolani? Marcelin Plenet, historien. Eh bien, les Azzolani, c'est l'aventure de rencontres et de discussions qui se passent dans un jardin. Alors, vous avez d'un côté, à Florence, vous avez le jardin de Careggi, où Ficin préside à de grandes réunions platoniciennes, et vous allez avoir un tout petit peu plus tard à Venise le jardin, les Giardini d'Azzolano, où l'humanisme vénitien va se réunir et va discuter, va mettre en scène des dialogues portant l'un et l'autre à Florence avec Ficin sur l'amour, à Venise avec Bembo, le fils Pietro Bembo, sur l'amour. Lorsqu'on arrive à Venise, ou lorsque l'humanisme arrive, cet humanisme arrive à Venise, on arrive dans un monde où ce n'est pas le dessin qui prime, c'est la couleur, c'est la lumière et la couleur. Et cela, on peut le voir très très tôt, on peut le voir même avant Giorgione, avec un artiste qui est un artiste merveilleux, qui essaie d'établir d'une certaine façon quelque chose qui serait entre la couleur et le dessin. Il s'appelle Michele Giambono. À travers Michele Giambono, à travers Bellini, à travers Giovanni Bellini, même le premier Bellini, et même quelque part à travers Mantegna, pourtant chez Mantegna la ligne est toujours présente, on voit très bien qu'il y a une sorte de conflit entre la couleur et la ligne à Venise, pour la bonne raison que la lumière vénitienne n'est pas la lumière florentine, et loin de là, très loin de là. Donc ce qui va se passer, ce qui va se déporter, c'est au fond une adaptation de l'humanisme florentin. Au lieu de privilégier la ligne, il privilégie la couleur. Au lieu d'avoir un idéal de beauté qui soit un jeune homme, ils ont un idéal de beauté qui est le corps d'une femme. Et au lieu de privilégier comme sens l'œil, il privilégie l'oreille. Et vous voyez bien que vous avez immédiatement la biographie de Giorgione qui arrive. Il est chanteur, il est musicien et il est amoureux des femmes. Et il est même tellement amoureux des femmes qu'il en meurt. Privilégiez l'œil, vous privilégiez en quelque sorte, et vous restez évidemment dans un caractère très, très philosophique, vous privilégiez le concept, c'est-à-dire la définition. Si vous privilégiez l'œil et le dessin, vous privilégiez la définition. Si vous privilégiez l'oreille et la couleur, eh bien, vous êtes dans quelque chose qui tente à échapper à la définition et qui est plus sensuel qu'intellectuel. Donc, la peinture vénitienne va être une peinture qui va jouer sur le caractère toujours et forcément irrationnel de la sensualité, alors que le Florentin joue sur le caractère conceptuel et intellectuel de la définition. Au premier plan à droite, une jeune femme dévêtue, désirable, allaite un nourrisson. Ses bras maternels l'entourent. Son beau visage encadré d'une chevelure blonde est incliné vers lui, mais elle nous regarde, pensive. À gauche, un homme jeune, vigoureux et d'allure désinvolte, habillé d'une veste rouge, un long bâton à la main, passe. Il tourne son regard vers la scène de la maternité. Une rivière ravinée les sépare. Au fond, l'orage gronde. Un éclair illumine une ville lointaine. À moyenne distance, un mince pont longiligne relie les deux berges bordées d'arbres frémissants. Entre la passerelle et les personnages, des éléments ruiniformes, deux colonnes brisées, à l'avant-plan, de l'eau noirâtre, inquiète. Description de la tempête de Giorgione par Marcel Mantione. L'homme est en arrêt, il regarde la femme, et la femme ne le regarde pas. Marcelin Plenet, historien. La femme regarde vers l'extérieur, c'est-à-dire elle regarde celui qui regarde. Ce qui met bien entendu celui qui regarde dans une situation tout à fait extraordinaire, bien entendu de voyeur. Celui qui regarde voit la scène et est vue par la scène elle-même. Donc on entre, si vous voulez, dans une triangulation des regards qui fait que celui qui regarde ce tableau, qui est devant ce tableau, se trouve par cette triangulation même, par le fait qu'il est, il est apparemment regardé par la femme, participe à la scène. Et c'est bien entendu ce qui, à mon avis, constitue le caractère immédiat et fascinant de ce tableau. On est invité à participer à cette scène-là. Qu'est-ce que c'est que cette, qu'est-ce que c'est que ce mythe ? Eh bien, c'est tout simplement la rencontre de Vénus avec Mars. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Vénus ? Qu'est-ce que fait Vénus ? Elle désarme Mars. Donc, le tableau se réalise du regard d'un homme porté sur une femme déshabillée qui porte un enfant, d'un homme arrêté, qui est donc désarmé par le tableau qu'il voit, et qui réalise, dans cette façon qu'il a d'être à la fois armé, arrêté et désarmé, un idéal de beauté et un idéal de beauté dans le siècle. Venise en Italie est une ville tout à fait exceptionnelle. C'est la ville des plus grandes libertés. C'est la ville où, lorsqu'on est réprimé à Rome, on va chercher refuge. C'est une ville de grande liberté politique et de grande liberté de mœurs. Cette liberté de mœurs suppose qu'il y a évidemment énormément de circulation de toutes sortes et qu'il y a ce que nous appelons aujourd'hui des prostituées. Alors on dit 11 000 prostituées, mais on ne sait pas ce que c'est qu'11 000 prostituées en ce début du 16e siècle. C'est, parmi ces 11 000 prostituées, il y a des poétesses, il y a des femmes de grande culture. Il y a des demi-mondaines, il y a des femmes de théâtre, il y a des chanteuses, et puis il y a bien sûr aussi la prostitution beaucoup plus triviale. Mais parmi ces prostituées, il y a la culture vénitienne. Et il y a à tel point la culture vénitienne qu'il y a un tableau de Giorgione qui s'appelle la Laura, et on a pensé pendant très très longtemps que ce tableau était un hommage à la Laure de Pétrarque. Et on s'est aperçu que pas du tout, ça n'était pas du tout un hommage à la Laure de Pétrarque, c'était en vérité un hommage vraisemblablement à une poétesse vénitienne qui était une grande courtisane, tout simplement. Donc vous voyez, il y a une circulation tout à fait étonnante parce qu'il faut savoir, que ce même Giorgione qui peint donc cette prostituée vénitienne, la Laura, il faut savoir qu'il fréquente la cour de la reine de Chypre à Zolano. Il faut savoir qu'il fait un portrait de la reine de Chypre à Zolano. Et j'ai même, moi, par pure provocation, cette supposition à proposer. Giorgione meurt la même année que la reine de Chypre. Exactement la même année que la reine de Chypre. Et il meurt pour avoir partagé la couche d'une femme malade. Donc, il meurt de sa passion, si je puis dire. Paul Larivaille, historien. On dit que le mal français, d'ailleurs, les Français l'appellent mal napolitain, les Français disant qu'ils ont ramené ça de Naples, ça nous renvoie à la campagne de Charles VIII, 1494, en gros, et les années suivantes, la campagne italienne de Charles VIII. Ça a été catastrophique, y compris, ça a été un grand traumatisme pour les mentalités. Enfin, on ne le disait pas toujours nettement, comme aujourd'hui, on ne dit pas toujours nettement de quelqu'un qu'il est mort du sida, éventuellement on ne le disait pas. Quand il s'agissait de personnes importantes, et on a vu dans les décennies qui ont suivi, on a vu jusqu'à des évêques, des gens très connus mourir du mal français ou mal napolitain suivant l'optique, alors ça prouve simplement que c'est un mal qui s'est répandu très vite, et en particulier justement par les courtisanes. Or les courtisanes, il y en avait à tous les étages, si je puis dire, de la société. Il y avait les courtisanes à la chandelle, da candela, comme disaient les Italiens, qui opéraient dans des arrière-boutiques obscures, d'où peut-être le nom de Chandelle. Et c'est une comme ça que Machiavel a rencontré, qu'il a découverte dans toute son horreur, et qu'il a si bien décrite, d'ailleurs. Et puis, il y avait, à l'autre extrémité, il y avait les courtisanes dites honnêtes. Qui casus rerum vari, quae semina morbum insuit. Longtemps enseveli dans une nuit profonde, le plus étrange mal revient frapper le monde. Des villes de Libye aux rives de l'Euxine, il règne, et de l'Europe il infecte le sein. Du Latium en deuil, il envahit la terre, alors que les Français y promenaient la guerre. Leur nom devint son nom. Je consacre mes vers à cette hôte imprévue de 20 climats divers. Girolamo Fracastoro, premier vers de Sifilidis, poème dédié au cardinal Bembo, 1530. C'est de là qu'est né le mot de syphilis. Paul Larivaille, historien. Syphilis, c'était une nymphe, c'est tout. C'était, vous savez, c'était un nom de nymphe. Il y avait des Phyllis, des Chloé, des noms de nymphes. Et alors, lui a intitulé ça Syphilis, ou du mal gaulois, de morbo galli, du mal gaulois. Et il a écrit des vers parce que on en parle sans arrêt. C'est, d'ailleurs, si vous prenez un auteur comme L'Arétin, dès qu'il a débité quelques gentillesses sur quelqu'un, le moins qu'il puisse dire, c'est qu'il est atteint du mal français, ou alors qu'il se promène avec de l'écorce de gaillac dans ses bagages, et ainsi de suite, car c'était le remède miracle. Il y a eu beaucoup de tentatives. À Venise en particulier, on connaît tous les édits qui ont été publiés pour marginaliser les prostituées en leur interdisant de porter des bijoux, leur interdisant ceci, leur interdisant cela, ne serait-ce que parce qu'elles portaient parfois des parures plus riches que les honnêtes vénitiennes. Et puis, ça a toujours été lettre morte. On les publiait, on les republiait sans arrêt. Et on a tenté de les isoler, de créer des ghettos. C'est peut-être à Rome que la chose a été la plus nette. On a essayé, mais on a échoué pour des raisons financières, économiques. Il ne faut pas oublier que, en pleine contre-réforme, au moment où la contre-réforme était bien installée à Rome, c'est-à-dire deuxième moitié du siècle, on a essayé de créer des ghettos, et on les a créés, mais beaucoup y échappaient, et les plus riches, les courtisanes honnêtes, les mieux placées, y échappaient, parce que elles étaient des épargnantes intéressantes pour le Banco di Santo Spirito, qui a été la première grande banque occidentale. C'est un peu là qu'est née la banque. Notre épisode était intitulé « Le prostibulum publicum » avec les historiens Paul Larivaille, Jacques Rossio et Marcelin Plenet. Demain, la suite avec un nouvel épisode intitulé « Un certain 17 Nivose ». Thank you.